Louis-Man. Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici la dernière édition du journal à parler en français pour ce samedi 7 août 2021. Les grands titres. Célébration ce samedi de la fête communale dans tout le pays. Une occasion pour l'administration de faire le point des réalisations. Vous entendrez l'administrateur de la commune Moura au sud de la capitale Bujumbura. Et deux présumés voleurs ont été sérieusement battus la nuit de ce samedi au quartier Gatunguru de la zone rubilisée en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Et l'association Unisonon pour la promotion des batois est en train de les sensibiliser pour qu'ils quittent les petites associations et intégrer les coopératives. Et dans le reste de l'actualité internationale aux Jeux Olympiques, la Burundaise Francine Nyonsa va terminer 5e à la finale du 10 000 mètres. Et c'est la première fois qu'elle s'aligne sur cette distance pour cette compétition mondiale. Et l'équipe française masculine de volleyball a remporté la première médaille d'or de son histoire aux Jeux Olympiques, ce 7 août, en battant la sélection russe 3-7-2 en finale du tournoi de Tokyo 2021. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Deux hommes ont été sérieusement battus la nuit de ce samedi au quartier Gatunguru de la zone Rovirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les habitants de la localité indiquent que ces derniers sont des bandits qui ont passé toute la nuit en train de piller les biens dans les ménages environnants à l'endroit communément appelé Kuitangi. Ils signalent que des télévisions sont volées chaque jour depuis environ un mois. Encore vivants, ces deux hommes ont été transportés par les administratifs à la base à l'hôpital pour bénéficier des premiers soins. Célébration de la fête communale ce samedi dans tout le pays. L'administrateur de la commune Moura au sud de la capitale Bujumbura précise que c'est une occasion d'évaluer les réalisations. Dévote Ndaïsenga affirme que sa commune a exécuté beaucoup de projets, dont la construction d'une école qu'elle qualifie d'excellente. On l'écoute. La place de la fête communale est très importante pour la population parce que c'est le moment où on raconte ce qu'on a fait dans la commune, durant toute l'année. C'est une occasion d'évaluer les projets déjà réalisés et planifier d'autres projets. Pouvez-vous nous relater certaines des réalisations que vous avez faites dans la commune? Il y a une école qu'on appelle Ekofo Kanyosha 2. C'est une très grande réalisation pour la population de la commune Moha parce que cette école est une école que je dirais excellente dans notre commune de Moha. Certains pensent que c'est une occasion de manger et boire et manger. Non, on ne mange pas seulement, on ne boit pas seulement. C'est l'occasion qu'on dit ce qu'on a fait durant toute l'année dans la commune et ce qu'on pense faire dans l'autre année qui va venir. Dévote Ndaïsenga, administrateur de la commune Moura, au sud de Bujumbura. Une journée nationale de l'éducation inclusive au Burundi devrait être célébrée, souhait exprimé par la représentante de l'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB, qui explique que cela contribuerait à la sensibilisation de masse jusqu'à désillusionner même les parents qui cachent encore leurs enfants en situation de handicap. Au niveau de la Direction nationale de l'éducation inclusive, l'on promet une analyse relative et à la question des infrastructures adaptées aux enfants en situation de handicap. Le directeur trouve plutôt qu'il en faudrait au moins une dans chaque province. Jérôme Hakiziman. Selon la représentante et présidente de l'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB, la scolarisation des enfants en situation de handicap n'avait pas encore vu le jour au Burundi avant 2010, chose que même le gouvernement d'alors ne comprenait point. Adélaïde Nguina révèle que l'UPHB a dû prendre certains de ceux qui s'inscrivaient en faux contre la scolarisation des enfants en situation de handicap et ensemble aller visiter les pays de la région où les enfants handicapés étaient déjà au banc de l'école. Heureusement, ajoute-t-elle, le ministre a par après approuvé le lancement de ce projet au Burundi. Toutefois, elle plaide pour l'introduction de la journée dédiée à l'éducation inclusive au Burundi. Selon elle, cela contribuerait à la sensibilisation de masse jusqu'à désillusionner même les parents qui cacheraient encore leurs enfants en situation de handicap pour qu'ils sachent que la place de ces derniers est à l'école. Au niveau de la Direction nationale de l'éducation inclusive au Burundi, L'on promet mener une discussion avec toutes les parties prenantes pour l'approbation de cette journée de l'éducation inclusive et à propos des infrastructures dotées d'énormes standards aux enfants en situation de handicap. Le directeur explique qu'au niveau du ministère, l'on dispose d'y charger des infrastructures. Ce dernier devrait alors veiller à ce que toute construction devrait donner accès aux enfants handicapés. Selon toujours ce directeur de l'éducation inclusive, dans chaque province, il devrait y être érigé au moins une école pilote ou satellite pour les enfants en situation de handicap. Seule une école post-fondamentale, le CND, Sizagitega, et moins de 10 écoles fondamentales, sans compter au niveau national, répondant tant bien que mal aux normes standards des enfants en situation de handicap. Et les habitants de la commune de Boutaganzoa en province Kayanza, bénéficiaires de l'eau potable des sources aménagées par l'un des natifs de cette localité, disent que cette eau est d'une grande importance pour eux. Jean-Pierre Kanyana, administrateur de la commune de Boutaganzoa, appelle d'autres natifs de cette commune à prendre une part active dans la réalisation des projets de développement de cette commune. Patrick Saint-Guillaume. Certains de ces habitants de la commune et Boutaganzoa bénéficiaires de cette eau potable avec lesquels nous sommes entretenus disent qu'ils éprouvaient beaucoup de difficultés pour s'approvisionner en eau potable avant l'aménagement de ces sources. Ils nous ont indiqué qu'ils buvaient de l'eau souillée et que pour trouver de l'eau propre et potable, ils étaient obligés de parcourir de longues distances. La population de la commune et Boutaganzoa bénéficiaire de ces sources aménagées remercie l'administration et un natif de la commune et Boutaganzoa du nom de Théodore Nyonzima qui a beaucoup contribué pour que ces sources soient disponibles. Interrogé à ce propos, Théodore Nyonzima nous a fait savoir qu'après avoir remarqué que la grande partie de la population de sa commune est native a le besoin de l'eau potable et avec toutes les connaissances liées à l'alimentation en eau potable qu'il disposait, il a réalisé ce projet. Dans l'avenir, a-t-il ajouté, je compte appuyer les familles en situation de vulnérabilité à l'aide donnant des logements bien construits. Au niveau de l'administration en commune Taganzoa, l'on apprécie positivement cet acte qu'il qualifie de louable, fait par son natif de cette commune en alimentant chaque colline en eau potable. Jean-Pierre Kanyana, administrateur de la commune Taganzoa, appelle d'autres natifs de la commune d'investir dans des projets de développement de leur commune. L'aménagement de ces sources, dont le coût s'évalue à plus de 25 millions, a été inauguré par l'administrateur de la commune Taganzoa ce samedi, à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à la commune. Cette administrative communale à Boutaganzoa demande à la population bénéficiaire de bien prendre soin de ses infrastructures. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. La communauté Batoua est associée aux travaux de recherche de la vérité et la réconciliation en cours au Burundi. Affirmation de Pierre Claver Ndaïcharié, président de la commission Vérité et Réconciliation. C'est suite à la demande de certains Batois de leur réserver une place considérable dans ces travaux. Pierre Claver Ndaïcharié reconnaît en outre que les Batois ont été également victimes de différentes crises qui ont endeuillé le Burundi. On écoute. Nous avons travaillé à Gitega et nous avons travaillé aussi à Karusi, en commune Chombo, tout près de la rivière Uvubu. Nous avons eu des témoignages, des Batois. Des Batois ont été tués, mais aussi des Batois ont été utilisés pour tuer. Toutes ces informations, nous les avons collectées. En réalité, ce pays des crises, c'est un pays complexe où vous trouvez une partie de la population utilisée pour tuer les voisins. Donc, parmi les populations qui ont tué, il y a des Batois qui ont tué, il y a aussi des Batois qui ont été tués. Il y a des Bahutus qui ont été tués, il y a aussi des Bahutus qui ont été utilisés pour tuer leurs frères, leurs voisins. À la CVR, par exemple, nous avons un commissaire de cette communauté Batois. Aujourd'hui, c'est même facile à le dire. Nous avons une constitution révolutionnaire, innovante, elle insère tous les citoyens. Donc les Batois, ils témoignent, les Batois, ils informent, les Batois, nous les sollicitons pour éclairer la vérité dans toutes les provinces. Nous rentrons de Muyinga, de Kirundo, il y a beaucoup de Batois, ils ont parlé, ils ont témoigné. Et là où nous serons demain, nous allons aussi les impliquer. Ce sont des Burundais, comme les autres, des citoyens à part entière. Et l'association Unisonon pour la promotion des Batois reconnaît que beaucoup d'Autochtones ne sont pas membres des coopératives. Emmanuel Nengo, son président, réagit après que les Batois de la colline Mourire, en commune de Bugendana, se soit plaint contre leur exclusion dans les coopératives bénéficiaires des financements de l'État. Il explique qu'ils n'en ont pas eu assez d'informations, mais que cette organisation est en train de les sensibiliser à quitter de petites associations vers les coopératives. Suivez Emmanuel Nengo, président de l'UNU Proba. Concernant les jeunes Batois qui ne sont pas encore sensibilisés et mobilisés autour des coopératives, ça c'est une réalité, nous sommes au courant de tout cela. Je le dis dans l'ensemble car souvent nous rencontrons des membres de la communauté Batois, surtout quand on organise des descentes sur le terrain et des visites au sein des communautés Batois. Nous l'avons observé nous-mêmes, nous en avons discuté avec pas seulement des jeunes mais en général les membres de la communauté Batois. Cette problématique est là et la cause est que au départ cet appel à se regrouper en coopérative au départ n'a pas été compris de la même manière par la population et surtout les membres de la communauté Batois. Quand on discutait avec certains membres de la communauté Batois autour des coopératives, on nous disait que au départ ils croyaient que les coopératives concernent les membres des partis politiques. Surtout qu'ils voyaient que ce sont les jeunes et d'autres démobilisés qui étaient appelés à se grouper et qui ont été appuyés au lieu à donner les 10 millions par colline. Et cela a provoqué une réticence au niveau des membres de la communauté Batois à intégrer facilement ces coopératives. Mais je sais bien qu'il y a l'un ou l'autre qui est membre de ces coopératives, mais pas beaucoup de jeunes ou des membres de la communauté Batois. Aujourd'hui, comme il y a changement, surtout sur base de ce que le gouvernement veut aujourd'hui, l'engagement derrière les coopératives, nous sommes en train de les appeler à changer de l'association à coopérative. Et en bref, les habitants de la province de Bouanza apprécient différemment la mesure prise par l'administration provinciale en collaboration avec les responsables agricoles d'interdire la plantation du palmier à huile. Ces autorités expliquent que la mesure a été prise dans le but de privilégier les cultures vivrières qui risquent de manquer de terrain si la plantation du palmier continue. Et dans le reste de l'actualité internationale, aux Jeux Olympiques de Tokyo, la Burundaise Francine Niyonsaba a terminé 5e à la finale du 10 000 mètres et c'est la première fois qu'elle s'aligne sur cette distance pour cette compétition internationale. Et l'équipe française masculine de volleyball a remporté la première médaille d'or de son histoire aux Jeux Olympiques au 7 août en battant la sélection russe 3-7-2 en finale du tournoi de Tokyo 2021. Alors que le Botswana tient la deuxième médaille olympique de son histoire grâce au relais 4x400 mètres masculin en finale à Tokyo ce samedi. Toutes les quatre coureurs ont obtenu la médaille de bronze, distancée par les Américains champions olympiques 2 minutes 55 secondes 70. Ils ont été rattrapés sur le fil par les Néerlandais. Voilà, c'est et toujours en Afrique, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé vendredi la remise en liberté de 78 personnes détenues depuis 2020 pour leur opposition à son troisième mandat. Nouveau signe de l'apaisement politique perceptible depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire et figure aussi parmi les bénéficiaires de ce geste des personnes emprisonnées après la crise de 2010-2011. Le président ivoirien promet d'étendre la mesure à d'autres détenus. La libération des prisonniers avait été réclamée par les leaders de l'opposition Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, tous deux anciens présidents. Voilà, c'est la fin de ce journal à 18h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés. Tout de suite, c'est la revue de presse. Revue de la presse. Le judiciaire écrasé sous le poids de l'exécutif, titre le journal Iwachu. Allusion faite à la dénonciation par nombre de magistrats de l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires de la justice. Son confrère donne l'exemple de deux lettres des gouverneurs des provinces Bujumbura et Bubanza qui ont soulevé un tollé au sein de la magistrature. Gelaz Ndabirabe tape du poing sur la table. Jirve Ndirakobucha temporise. Titre encore le journal Iwachu dans sa parution de ce 6 août. Pour le président de l'Assemblée nationale, Gelaz Daniel Ndabirabe, il n'y a pas de démocratie dans la magistrature. Quant au ministre de l'Intérieur, Jirve Ndirakobucha, il exhorte les administratifs à ne jamais se substituer à la justice. Un détenu tué dans une tentative d'évasion, rapporte Net Presse. En effet, détaille ce journal en ligne. Dans l'après-midi de jeudi 5 août 2021, un prisonnier qui se rendait en audience à la Cour suprême et accompagné de policiers a tenté de s'évader, mais les policiers qui le gardaient ont tiré sur lui et il est mort sur le champ. D'après son confrère, des gens qui assistaient à cette scène macabre ont indiqué que les policiers ont réservé une punition disproportionnée. Mais d'autres ont rétorqué qu'ils n'avaient pas le choix, car en cas d'évasion, le policier qui gardait le fugitif le remplace en prison jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Ils ont fait remarquer que même en prison, il y a toujours des tentatives d'évasion, surtout de la part des prisonniers condamnés pour une longue période pendant la nuit. Les policiers les en ont toujours dissuadés par des tirs à balles réels. Et si le détenu rencontre par hasard ses balles perdues ou pas, il meurt et le tireur n'est pas poursuivi, souligne encore son confrère en ligne. Le Burundi compte produire bientôt l'aflasafe pour lutter contre les aflatoxines, titre l'agence burundaise de presse. Son confrère rapporte que c'est le Centre national des technologies agroalimentaires CNTA qui compte mettre sur pied une usine de fabrication de ce produit phytosanitaire qui va être utilisé dans les champs pour la lutte contre les champignons qui sont à l'origine des aflatoxines, des toxines nocives responsables de graves maladies comme le cancer chez l'homme adulte, du nanisme chez l'enfant et des maladies chez les animaux. D'après l'ABP, citant Christophe Garungu, chercheur à l'Institut international pour l'agriculture tropicale, bureau de Bujumbura, l'aflasafe Burundi est encore au stade d'essai dans les champs et les techniques de fabrication ainsi que les équipements seront remis au CNTA pour poursuivre la production. Selon ce chercheur, toujours dans les colonnes de l'ABP, le maïs, le sorgho, l'arachide et le soja sont les cultures qui sont le plus attaquées par les champignons responsables des aflatoxines. Difficile de trouver des places de redoublement au secondaire, s'inquiète la voix de l'enseignant. À un mois de la rentrée scolaire 2021-2022, des parents craignent qu'il leur soit difficile de trouver des places de redoublement de leurs enfants. Ils indiquent que les directeurs leur disent qu'ils n'ont pas de place ou que leurs enfants ont une note très basse pour être reçus. Une crainte de plus que leurs enfants ne vont plus étudier. Des directeurs des écoles, quant à eux, expliquent dans les colonnes toujours de cet hebdomadaire de l'éducation qu'il est quasiment impossible d'accueillir tous les demandeurs de place de redoublement car la loi leur autorise de donner seulement 10% de ceux qui ont échoué. En plus, ils doivent attendre l'orientation pour connaître les effectifs de ceux qui ont réussi au concours national de certification et d'orientation ou encore ceux qui terminent la sixième année. Priorité aux nouveaux admis dans la classe suivante. Un parent demande une réglementation pour stabiliser les esprits des parents, rapporte toujours la voix de l'enseignant. Enfin, le journal Burundi Echo reprend l'annonce du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, à savoir que le gouvernement va construire une usine de transformation des poissons. C'était lors d'une visite effectuée par le ministre Deogi de Rurema, lundi 2 août 2021, au site Yaranda de la commune et province Kirundo. En plus de ce projet ambitieux, rapporte toujours son confrère, le gouvernement veut investir dans l'aquaculture en installant des cages flottantes sur le lac Chohoha. Certes, ce projet constitue une plus-value pour la filière pêche, mais le gouvernement devrait étudier l'impact environnemental de la pisciculture moderne. Alerte cet hebdomadaire socio-économique. Et ainsi se referme cette revue de presse qui vous a été préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.